Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Avec Logocratie 101, François Landry nous entretient sur le russe dans la politique québécoise. Simon Fitzbé vient de parler de sa chronique Phénomène. Assemblage requis. Je crois que Dé a perdu un gros ménage. Bienvenue à l'Assemblage requis en ce jeudi 23 septembre 2010. Je m'appelle Mathieu Plante. Je m'appelle François-Olivier. T'as un peu... C'est du russe que t'essayais d'imiter. C'est vraiment sorti. C'est très, très mal sorti. Russe ce matin. Mathieu, comment ça va ce matin? Ça va bien. Toi, ça va moins bien, j'ai entendu dire. Je suis en furie, mon ami. Quel genre de furie, là? Hey, je t'explique un peu la situation. Okay, hier, j'étais allé assister à la première partie des Canadiens de Montréal directement au Centre Bell. Mon ami avait des billets. Bref, on s'est arrangé. Il me donne le billet. J'y paye la bouffe. Je monte avec mon auto. Je fais le lift. Blablabla. On s'est arrangé comme ça. Donc, formidable pour moi, en fait. Je trouvais que... C'est un bon deal. Ouais, exactement. Bonne affaire. Exactement. Donc, on arrive là. Ça va bien. Là, évite de payer le 25$ pour le stationnement. Je vais me parquer pas tellement loin où c'est gratuit. En fait, pour les gens qui vont souvent, peut-être prendre la rue Saint-Antoine. OK. Il y a un tu donnes ton spot, là. Ouais, ouais, je le donne. Si vous écoutez, c'est fou, c'est correct, vous pouvez aller vous parquer là. T'es généreux. Mais c'est ça. Vous allez sur Saint-Antoine, vous continuez un peu, vous passez devant le Centre Bell, et puis un petit rond-point où il y a un parc, un centre communautaire, ce truc-là. Donc là, c'est gratuit, ça prend pas non plus. La vignette numéro 37. Du quartier. Du quartier, ouais, effectivement. Donc, ouais, petit queue ici. Donc, en fait, c'est ça. Et puis, on arrive là, on a la faim. J'ai dit à mon ami, bon, je te paye la bouffe, ça rentrait un peu dans le deal. Donc, on le voit venir. Et ça. Oh. C'est dur pour la morale. Ce matin, ça va être cher, tu te dis. Oui, bon. Oui, c'est ça, exactement. Je me dis, OK, bon, parfait. Tu sais, je me dis, c'est quoi? Si on se prend chacun là, deux hot dogs, un chip et une bière. Bon, mais pour deux, ça peut-être 20, peut-être ça, 25 ça peut-être dépasser le 20 un peu à peine. Non! 44$. 44$ pour 4 hot dogs, 2 sacs de chips et 2 bières. C'est vraiment, mais vraiment du vol. J'ai fait répéter la madame à peu près 3 fois. T'es-tu trompé? T'as-tu mis 8 hot dogs? Malaise. J'avais l'impression, là, vraiment, là, excusez-moi l'expression, là, de me faire fourrer. Là. Solidement. Là, puis on dirait, ah, ça, mais 44$, c'est vraiment du vol pour vrai. C'est, oh oui. C'est inconcevable. Je peux pas croire. Je ne peux pas croire qu'au prix des billets, ouais, c'est ça. Au prix des chandails, au prix de tout là, ce qu'il y a à l'effigie du Canadien de Montréal, je peux pas croire. Comment peuvent-ils justifier? Combien qu'elle vous coûte votre saucisse, Karen? On fait mettons, un petit kiosque d'hot dog, ces trucs-là. On les vend à 1$, t'as vrai, on fait de l'argent. Ouais, c'est ça. C'est quand même cher, une pièce, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis dis-toi que la quantité qu'ils achètent, ils doivent pas payer ce prix-là. Hein. Puis la bière, reste que ça appartient à Molson. Donc, ouais, la bière, mais en plus, c'est de la bière en fût. Mm-hmm. Donc, le goût, hein, tu sais. Non. Ah, en tout cas. Non. Ouais. Non. Inacceptable. Pas correct, ça. Non. Non. En plus, les Canadiens ont perdu 4-2. Moi, c'est que personne t'avait dit ça. Il me semble, tu sais, les gens qui vont voir les matchs de hockey auraient dû dire. Non, mais... Tu l'as tellement dit à tout le monde, je vais voir les Canadiens, ils auraient dû dire, mais va pas manger là, par exemple. Non, je sais. Puis en même temps, c'était pas ça. Notre idée de base n'était pas de manger là, mais de par. Parce qu'il a fallu que j'arrête chez mon frère faire une commission. On est arrivé là un peu serré. Mais ça peut faire partie de l'expérience. C'est le fun de manger sur place quand tu vas quelque part, tu sais. Ça a beau être cher. Mettons, tu vas au cinéma, tu sais. C'est le fun de prendre le popcorn là, tu sais. Même si tu qui est trop cher. C'est le fun. Ça fait partie de l'expérience, il me semble. Exactement. Puis, tu sais, en même temps, je me dis, oui, c'est sûr que c'est cher. Mais là, c'est pas cher. C'est carrément du vol, là. Oui. Hey, deux hot dogs, je m'excuse, mais je pense que t'as encore un peu faim après, là. Un petit creux. Le creux vient vite. Hey, sac. Peux-tu dire que je me suis retenu pour. Fait que t'as appris ta leçon, hein. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est plate, c'est vraiment plate. Puis des marchés comme, mettons, là, je sais que tu connais pas beaucoup le hockey, là, mais mettons, la Floride ou ces trucs-là où c'est jamais plein, mm-hmm. où ils te font des méchandises, ces billets. Ouais. Je m'excuse, mais eux autres sont capables de payer quand même des joueurs. Je vois pas pourquoi nous aussi. C'est vrai que c'est spécial, hein, parce qu'au Québec, t'sais, les matchs sont diffusés, mettons, à la télé en même temps qu'ils jouent en vrai, alors qu'aux États-Unis, mettons, t'sais, s'ils jouent à la télé, ils vont faire un blackout dans la région où le match a lieu. Il passe pas, t'as pas le droit de le passer à la télé, c'est vrai, du noir. Ça? Ouais, c'est, ben, oh. Ça dépend des ouais, sports. Ça dépend, là. Ça dépend. C'est ça. Mais mettons, t'es dans telle ville qu'il y a une partie, ben, à la télé, tu pourras pas la regarder là. C'est pour encourager les gens à aller voir la partie tellement qu'il y a pas de monde qui y vont. C'est vraiment pas cher, là. C'est vraiment pas cher en Floride. Je pense que j'avais vu ça quelque part. C'était un format familial, si on veut, là. Deux billets adultes et deux billets enfants. Je pense. Et je pense que ça incluait des hot dogs, tu sais, toute la kit, là, mais c'est vraiment pas cher. Là. Vraiment, vraiment pas cher. L'offre et la demande. Et puis ouais, c'est ça, exactement. Nous, nos billets, ils valaient, je pense, 80, ces trucs-là, puis on était chaud bail dans le plafond, là. Ouais, mais on voyait bien. C'est un fait qu'il faut dire, par exemple, au Centre Bell, partout où tu es, tu vois bien. Ouais. Tu vois bien, tu vois pas ceux en avant non plus, c'est assez à pic, donc. Je te fais confiance, j'irai jamais. Ben, en tout cas, vas-y, mange pas là. Non, non. Hey, puis tu sais, ça roule tout le temps, il y a des spectacles aussi, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Des spectacles, il y a des événements. C'est sur glace, je sais pas. Ils font encore ça. La lutte, ouais, effectivement, il y avait une pub hier, ouais. Cool. Ouais. Ça, c'est pour être bien. Gorillaz, qui vient le 3 octobre, ouais. Ah! Au Centre Bell. Ouais. Et puis, il y a Massive Attack aussi. OK, quand même. Avec TV Corporation. Wow. Ça vaut la peine, ça, peut-être. Ouais. Bon, donc, commençons l'émission ici, à ce point-ci. Juste en vous parlant du plan d'émission d'aujourd'hui, on va avoir une chronique « C'est un fait » tout à l'heure, bien évidemment. On va parler, entre autres, de Neil Armstrong, l'astronaute, là. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. On va aussi avoir une chronique phénomène avec Simon Fitzbé. Il nous continue son histoire, son exploration de l'histoire du rock. Oui. En long et en large. Hey, la saucisse. Oui. Ça, hey, Mathieu, j'ai une petite annonce. J'ai une petite annonce à faire. Pour les gens qui seraient intéressés à aller voir les Canadiens, des fois qui n'ont pas de billets, ces trucs-là, mm-hmm. vous pouvez nous appeler en studio. Non, on ne les donne pas, par exemple, mais je connais mon ami. Les scalps, c'est ça que ça veut dire? Ben, mon ami a des billets à vendre. Uh-huh. Pas trop cher, donc. C'est légal, ça? Oh oui, ben oui. C'est légal? Hey, Mathieu. Et 819-376-5183, si vous voulez des billets pour le Canadien, vous pouvez appeler à studio. On va le répéter un peu plus tard, peut-être. Oui. Aussitôt que la musique partira, 819-376-5183. Et puis aussi, dans l'émission d'aujourd'hui, François Landry avec Logocratie 101, il nous parle, comme je disais tantôt, du russe. Et là, c'est la langue, le russe, dans la politique québécoise. Et du difficile début de session pour les libéraux et les autres partis. C'est plus tard dans sa chronique politique. Mais on commence l'émission avec The Killers. Voici Sam's Town. Ah, c'est fou! 89! We'll be right back. L'assemblage requis est une présentation de la Banque nationale. Vous écoutez Assemblage requis sur C'est fou. Toujours Assemblage requis avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. François, qu'est-ce que t'as à marmonner, là, Colin, ça va pas? Encore tes histoires de saucisses, là? Ben, dites-moi, ça a l'air bizarre, là, mais... Dites-moi, hors contexte, ça a l'air bizarre, ah, mais ouais. Une partie de hockey qui t'a coûté cher avec ta bouffe. Hein? Ça me choque, désolé, je suis comme ça. Ben, t'as le droit, t'es révolté, t'as l'air de rebelle. Mais non, mais sinon, Mathieu, ça va quand même bien. On est jeudi, 7h30. Jeudi, c'est la dernière de la semaine. Ouais. Demain, je peux me lever un peu plus tard, donc... Non, ça va bien, puis de la bonne musique qu'on fait jouer depuis tantôt, là. Ouais. Belle journée aussi. Je pense que ça va être une des dernières belles journées. Parce que là, officiellement, on est rendu à l'automne. C'est vrai, depuis 23h09 hier, c'est ça? Oui, dans ce coin-là. Quelque chose du genre. Quelque chose du genre, l'heure exacte, là, je suis pas... Ben oui, me semble. Il me semble que c'est... j'ai retenu ça, moi, 23 ans en 9, ça m'avait l'air beau comme chiffre. C'est moi qui t'avais dit ça? Il me semble que oui. OK. On s'en fout. On va vérifier, ça pourrait être. Verify. On parlait de saucisses, restons dans le même domaine, mais pas vraiment. Mathieu Plante, c'est un peu dégueu, là. Je le sais, je m'excuse. Un homme originaire de Dosquet. Est-ce que tu connais la ville? Je ne sais même pas comment on le prononce. J'avoue mon ignorance ici. Dosquet. Il vient-tu du coin ou? C'est près de Lobinière. OK. Ouais. Il a été arrêté par la Sûreté du Québec pour 8 accusations de nature sexuelle. Ce qu'il y a de spécial, c'est que l'homme a 92 ans. Ouais. OK. Donc, un mandat d'arrestation a été lancé contre l'homme de 92 ans en juillet dernier. Il aurait fait des attouchements sur au moins 4 jeunes filles entre 1983 et 1990. Amenez-moi-le. Donc, 90, ça fait quoi? Ça fait 20 ans de ça. Donc, il avait quoi? 72 ans, à peu près? Et moins que ça, parce que ça a commencé en 83. Donc, 7 ans plus tôt. Wow! 83, je suis né en 84. Ouais, moi, 83, fait que ouais. Donc, t'as 27 ans. Où tu vas avoir 27? J'ai 27 déjà. Ah oui, ben oui, c'est ta fête. En mars passé, donc ouais, très loin. Ouais, on t'avait souhaité bonne fête. Ben, merci. Tu te rappelles de mon cadeau? Non. Ah, mal. Bien qu'âgé de 92 ans, l'accusé est lucide et en assez bonne santé, contrairement à un homme de 93 ans qui avait évité la prison l'an dernier pour des crimes semblables à cause de son état de santé. L'accusé est en liberté sous certaines conditions, notamment de ne pas se retrouver seul en présence d'enfants et entrer en contact avec les présumées victimes. On s'entend là-dessus. Je pense que ça, c'est une bonne affaire. Hein? Eh oui. C'est de la grosse logique, tu sais. Tout à fait. Tout à l'heure, d'autres nouvelles. Comme ça, pour le fun, on va aussi avoir des faits. Et ça va être vraiment quelque chose que vous allez vouloir retenir et peut-être partager avec des personnes lors de situations, j'espère, plus heureuses que ça. Oui, ben oui. Certainement. Hey Mathieu, j'ai une petite nouvelle pour toi. Ah oui? Oui, un gars de Trois-Rivières qui s'est démarqué. Oh! Encore. Ah ouais? Oui. Dans quoi? Le monsieur s'appelle David Goudreau. Tréfluvien d'origine, qui a remporté le championnat québécois de slam au Lion d'or de Montréal. Ah, du slam! Dans le cadre du grand slam annuel de la Ligue québécoise de slam. Je sais qu'à Trois-Rivières, c'est quand même populaire. Les derniers mercredis, si je ne me trompe pas à l'embuscade, c'est les mercredis slam. Super, on connaît plein de gens ici qui gravitent autour de ces fous, qui participent dans le monde du slam. Oui, ça devient populaire. Et puis, pour l'avoir côtoyé, en parenthèse, ce gars-là est super génial, il est super fin, il est super bon. Donc, félicitations à David Goudreau, c'est vraiment cool. Ouais. Du slam, déjà là, que c'est quand même assez underground, si on veut. C'est marginal. Ouais, marginal. Bon, exact. Alors on va l'entendre un petit peu de Gaslight Anthem. Eux, ils sont dans le palmarès. La pédale dans le tapis. La pédale dans le tapis, OK. On a une pièce 2 du palmarès anglophone, mais c'est pas celle-là qu'on va entendre. On l'a écouté quelques fois. Oui. The Queen of Lower Chelsea. Là, à la place, on écoute un classique. Mais celle du palmarès est très bonne aussi. Oui. Là, faut pas dénigrer. Sauf que c'est ça, exactement. On s'en va sur l'album de 59 Sound avec la pièce... de titre. Oui, c'est ça, exact. The 59 Sound. À l'assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées présentée. La Banque nationale et le service aux étudiants de l'UQTR. Et François-Olivier Marchand. Est-ce que tu as déboursé? Je vais te vendre des hot dogs si tu veux débourser pour aider ces fous. J'ai déboursé pour des années avec mes hot dogs. T'as coûté combien en tout? 44. Non, en tout? 100$? Ouais, 100$. Ben, le gaz inclus, là. Ah, OK. Pour voir les Canadiens perdre. Arms. I hope we don't hear Marley's chains. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. I'm not afraid to fall. The Almost avec Hans. À son âge requis, il y a un classique du palmarès anglophone. Oh, wow, on dirait quasiment un auto qui passe devant un micro, ça. Un auto? Ouais. Un auto. Qu'est-ce qu'il imitait? Ben, je sais pas. Non? Ah, Mathieu. C'est plus efficace, ça? Non. C'est vraiment déplaisant, ça. OK. Excuse-toi. Ben, je m'excuse. OK. Tes excuses sont acceptées. Bon. Fait que, est-ce que t'as envie d'entendre parler de choses véridiques, véritables et vérifiables? Non, pas pour l'instant. Ça donne mal parce que c'est la chronique, c'est un fait. T'es drôle. Putain, agace. T'es vraiment agaçant, pas mal. C'est tout le temps plaisant, ta chronique. Merci beaucoup. Toujours. Commençons avec quelque chose que tu vas aimer, vraiment, je crois. Est-ce que tu connais l'uréa? L'uréa. C'est quelque chose de chimique qu'on retrouve dans ton pipi. Non. Disons-le, avec les vrais mots, on appelle un chat, hein, t'sais. Bon, ce produit-là, l'uréa, est ajouté aux cigarettes pour augmenter leur saveur, l'intensité de leur saveur. Ah ouais? L'uréa qui est dans le pipi aussi. Bien sûr, on peut utiliser une version artificielle, synthétique de ce chose-là. Ça n'a pas de couleur, ça n'a pas d'odeur, sauf si c'est mélangé avec l'eau. Et là, dans ce cas-là, ça devient vraiment une odeur insupportable. Si tu ajoutes de l'eau. L'uréa peut aussi être utilisé dans du fertilisant, dans différents plastiques, dans de la nourriture pour animaux, dans l'adhésif qu'on utilise pour faire du plywood, là, du contreplaqué, et dans des explosifs qu'on appelle l'uréa nitrate en anglais. Okay, la nitrate d'uréa. On peut imaginer. L'uréa est aussi utilisé dans les moteurs de voitures et de camions pour réduire la pollution qui sort de l'exhaust. Là. Non. L'exhaust, non. C'est vrai. C'est aussi un ingrédient dans le Nair, tu sais, qui est une chose pour enlever les poils. Là. Tu sais, le produit que tu mets pour enlever le poil. Nair. Hein, ouais, et c'est, les rouleaux? Je sais pas, c'est des rouleaux, je pense que c'est comme le genre de petite gelée, là, puis là, t'arraches ça, je sais pas trop. Pas une fille. Et on utilise ça aussi pour resurfacer des planches de snowboard. Oh! Génial. Plein d'autres choses, des blancheurs pour les dents, plein d'autres choses. Savais-tu qu'en moyenne, et là c'est un petit peu plus déprimant, quelqu'un aux États-Unis va être tué par un chauffeur sous, un conducteur de voiture sous, à chaque 45 minutes. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop. Savais-tu que Neil Armstrong, son application pour devenir astronaute, il faut que tu t'inscrives pour devenir astronaute, c'est arrivé une semaine après la date limite, la date butoir. Donc, c'est un ami à lui qui a glissé son formulaire dans la pile d'application avant que quelqu'un s'en rende compte. Puis c'est devenu, tu sais, c'est Neil Armstrong, là. C'est devenu un gars qui a marché sur la Lune. Oui. Là. C'est quand même assez... C'est plate pour le gars qui a pas eu le poste, par exemple. Peut-être, mais peut-être qu'il était moins qualifié. Sinon, Neil Armstrong n'aurait pas. Ouais, non, ça, c'est exactement. Un autre fait sur Neil Armstrong, il a pilé sur la Lune avec son pied gauche en premier. Mais je savais pas que tu pouvais postuler. Tu sais, moi, dans ma tête, il te choisissait, tu sais. Non. C'est le fun, quand même. Ouais. Donc, tu t'essaieras. Ça te tente. Ouais. Tu te rappelles du squelette, ce qu'on appelle Australopithèque afarensi hominide, là, peu importe, qui a été trouvé en Éthiopie en 1974, Lucy. Oui, oui. C'est mon oncle qui l'a trouvé. T'es sérieux? Non. OK. Donc, Lucy a été nommée en l'honneur de la chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Je ne savais pas ça. Moi non plus. Lucy. Il y a un endroit spécifique dans le cerveau. Tu vas l'aimer, celui-là. Un endroit spécifique dans le cerveau qui s'appelle le Bilateral Vomitation Center, le centre de vomitation bilatérale, disons-le comme ça. Ça note, ça remarque quand notre ventre se sent mal. Et puis, c'est lui qui décide ce centre-là dans le cerveau. C'est lui qui prend la décision finale. Est-ce que tu vas vomir ou est-ce que tu ne vomiras pas? Ah! Intéressant quand même. Moi, il est rapide sa gâchette. Ouais, c'est ça, il tire. On dirait qu'il. Putain, vomit. L'homme qui vomit plus vite que son ombre. Exact. Oui, ça ressemble à ça pour vrai. Les premiers condoms fabriqués aux États-Unis étaient fabriqués avec du caoutchouc volcanisé. Là, je traduis au hasard complètement mes termes. Et étaient supposés être réutilisés. OK. Les premiers condoms étaient réutilisables. C'est bien, hein? Savais-tu que le coproducteur et frontman des Beach Boys, Brian Wilson, est presque complètement sourd dans son oreille droite? Peut-être que tu as écouté les chroniques de Simon et qu'il en a parlé. Sourd dans son oreille droite. Donc, chaque album dans lequel il apparaît est mixé avec un seul canal au lieu de deux et en mono ou en mono au lieu de stéréo. Tous les albums dans lesquels il est. C'est ce qu'on nous dit sur les internets. Grant Wood, qui est célèbre pour sa peinture American Gothic. Est-ce que tu te rappelles d'American Gothic? C'est le gars avec une genre de fourche dans sa main, puis là, il y a une femme à côté. Ouais, c'est quoi, ouais. C'est classique. Ce gars-là. Des techno, là. Comment? Vraiment pecno, là. Pecno, exactement. Des hillbillies. Ouais. Genre. Bref, il a gagné un concours de coloriage au crayon Crayola. Oui, c'est vrai. Et quand il était enfant, évidemment. On l'espère. Donc, ça a comme amené son intérêt pour les arts. Et c'est pour ça qu'il est entré dans ce domaine-là. C'est bien? Ah. Et on termine avec ce fait-là. Le micro-ondes a été inventé après qu'un chercheur ait passé devant un tube radar avec une barre de chocolat dans sa poche et la barre de chocolat a fondu. C'est comme ça que le micro-ondes a été inventé. Il a pas dû passer vite, là, je sais pas. Là. Je sais pas moi non plus. Ouais. Ou, peut-être la force du radar aussi. Peut-être qu'il portait une ceinture faite de barre Mars. Il mange. Ouais, comme Batman ou Go-Go Gadget. Go-Go Gadget au bord de chocolat. Hey, c'est tout? Oui, c'est tout. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Wow! J'ai appris plein d'affaires. Que tu vas oublier instantanément. Ben non, que je retiens encore. Neil Armstrong, le pied gauche en premier. Ouais, ça, c'était vraiment le plus intéressant. Ben, il a déposé aussi son formulaire en retard d'une semaine. Ils l'ont inséré dans la pile. On devrait faire un examen en fin de la semaine pour voir quel fait tu te rappelles. Tabarouette. Ben, on est en fin de semaine, donc. On rappelle de deux. Ceux de lundi? Ceux de lundi, ben oui, j'ai aimé ça lundi aussi. C'est ça, c'est ça. Vous êtes à Assemblage Rocky, émission matinale en pièces détachées. Tout à l'heure, on va recevoir Simon Fitzbé pour sa chronique Phénomène. Oui. Oui, il va nous parler de Buddy Holly. Buddy Holly. C'est pas juste une chanson de Weezer, là, non, pour les gens qui savent. C'est un artiste avec des grosses lunettes. Tout à fait. Tu l'as bien exprimé. Merci beaucoup. Et aussi François Landry plus tard avec sa chronique politique. Mais pour l'instant, on s'écoute un petit peu de Le Couleur. Voici une pièce qu'on n'a pas encore entendue à Assemblage Rocky. Origami est sur le palmarès francophone en ce moment. Mais là, on écoute Tilly Jeans au 89 ans. Tilly Jeans et non pas Billie Jean. Billie Jean. Non. Non. Ah ouais, chante. Juste deux mots, ça va faire. Ouais. Dans le Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. D'images immondes, Jack l'éventreur n'est plus à Londres. Dans les méandres de son esprit, tendu à souhait, gisait en lui. Un coup de sang et de violence, né de la haine, de la souffrance. Rien n'approchait l'extase divine que Jack trouva même ses victimes. C'est de la terreur dans leurs yeux dont Jack est tombé amoureux. Dans le halo d'une lanterne, Jack se dissimule dans la nuit. Il choisit qui meurt et qui vit. La main soudée à son poignard, Jack telle une ombre sur le trottoir. S'élance et frappe, il frappe encore pour se repaître de la mort. Jack n'est personne, Jack n'est personne. Jack est un monstre, Jack n'est qu'un homme, c'est de la peur dont Jack est tombé amoureux. Dans nos pires cauchemars, la tête peuplée d'images immondes, Jack l'éventreur n'est plus à Londres. La tête peuplée d'images immondes, Jack l'éventreur n'est plus à Londres. Jack n'est personne, Jack n'est personne. Jack est un monstre, Jack n'est qu'un homme, c'est de la peur dont Jack est tombé amoureux. Alexandre Béliard. Avec Jack l'éventreur n'est plus à Londres. Assemblage requis. C'est bonne pièce. Oui. Excellent bonne pièce. Oui. Il va être en spectacle ce soir au Zénob en passant. Oui. À 20h, il se met à Trois-Rivières. Et avant ça... Oui. Oui. Oui, t'es d'accord? Oui. Oui. Et il va être avec, avant ça à l'émission Les Palmarès, c'est fou, entre 14h et 17h. Oh. Tout à l'heure, cet après-midi, c'est même assez fou. Mathieu Plante, le chanceux, qui va le recevoir en entrevue par téléphone ou... Oui, par téléphone. Oui, par téléphone. Okay. Supposément. Donc, Alexandre Béliard dans Les Palmarès, c'est fou, avec Stéphanie et Mathieu, tantôt. Mais pour l'instant, c'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. Déjà. Dans la deuxième, c'est les chroniqueurs. Les chroniques arrivent et n'arrêtent pas. Affluent. Elles affluent. Oui. Tel un cas de mauvaise diarrhée. Non, non. Non, vraiment pas. Fait que dis-moi des affaires même. Mais là, t'as commencé avec le mot avlu. Afflux. Ça va faire deuxième heure tout à l'heure. Restez avec nous. Pour l'instant, c'est l'info campus. C'est pas de mauvaise blague. C'est le matin, là, le monde déjeune. 7h56. C'est fou, c'est comme faire une course avec un nain. C'est sûr de gagner. Caca. C'est la deuxième heure d'Assemblage requis qui s'amorce à l'instant et c'est l'émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, je m'appelle François-Olivier. Salut, François-Olivier. Olivier. Marchand. C'est comme Buddy Holly, mais François Holly. Holly. Olivier. Holy shit. Donc, tantôt, Buddy Holly avec Simon Fédibé dans sa chronique Phénomène sur l'histoire du rock. Ça s'en vient. Oui, mais pour l'instant, on tape un beau petit bloc de francophones avec des groupes qu'on trouve très, très bons ici à C'est Fou et je sais que vous les aimez aussi. C'est quoi, Télé-Télé et puis... C'est ça, Télé-Télé et puis Mrs... C'est pas Valère à l'envers, ça ferait quoi? Lerva. Lerva. Non, c'est Radio Radio et Mister Valère. On commence avec Mister Valère. Voici Brandon Marlowe sur le palmarès francophone au 89 FM. C'est fou. Thank you. Mister Valère avec Brandon Marlowe sur le palmarès francophone de C'est fou. Vous êtes à Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées de C'est fou 89 FM. De C'est fou 89 FM. Hey, c'est le temps de recevoir, d'accueillir, comment puis-je dire, dis pas introduire, j'ai déjà utilisé ce mot-là, puis ça sonne bizarre. Ça. Introduire, moi, c'est pas super. En fait, vous l'entendez, Simon Fitzbé? Oui. Avec sa chronique Phénomène. Salut Simon Fitzbé. Bonjour Mathieu Plante, bonjour François. Bonjour, bonjour, je t'ai vu danser pendant ton intro. Ben oui, j'adore ça. Hey, d'ailleurs, pour les fans de Doctor Who, il y a eu un événement il y a quelques semaines, ou même la semaine dernière, je pense, c'est Doctor Who Live at the Prom. C'est l'orchestre de la BBC avec la chorale de la BBC qui reprenait les thèmes de Doctor Wow. Who. C'est génial. Ouais? Oh, oui. Ça doit être bon. Avec les extraits, c'est fou. Ça se retrouve, vous pouvez, si vous êtes anglais, vous pouvez aller sur le site de la BBC ou si vous savez qu'est-ce qu'un proxy, vous pouvez également y aller. C'est ça, il y a des façons de tricher avec ça. Ouais, ouais, effectivement. Mais bref, c'était génial. J'en ai vu quelques extraits. C'est malade. Je vais chercher ça, merci. Donc, ta chronique Phénomène, encore une fois, tu continues ton historique des gens qui ont influencé, oui, créé, modelé le rock. Oui, et d'ailleurs, aujourd'hui, on en a tout un. C'est toute une personnalité du rock. Il a eu une carrière très, très courte, en fait, une carrière professionnelle de 2 ans, puisque malheureusement, il est arrivé quelque chose de tragique dans sa vie. On va pouvoir en parler dans quelques instants. C'est une influence majeure du rockabilly. Il a une très, très grande influence sur plusieurs musiciens, entre autres Paul McCartney, qui a gardé une grande, grande influence de ce musicien. C'est Buddy Holly, un des très grands rockers des années 50, en fait, qui a sévi uniquement pendant les années 50, de 1957 à 1959. Buddy Holly est né le 7 septembre 1939 à Lubbock, 1936, dis-je. Faut pas le rajeunir trop. À Lubbock, au Texas, donc ça lui ferait pratiquement 74 ans, puisque c'était le 7 septembre, donc on aurait déjà fêté son anniversaire. De son vrai nom, là, par exemple, j'ai mal fait ma job, j'ai pas pris en note son vrai nom, donc... Budweiser, quelque chose. Budweiser, non, c'est que, en fait, il s'appelait Charles. Oui, donc de son vrai nom, c'est Charles Arden Holly. Voilà. Okay. Son nom, Buddy Holly, vient d'une erreur qu'il y a eu dans son contrat. Lorsqu'il a signé son premier contrat, Buddy, c'était déjà son surnom, on l'appelait Buddy Holly. Sauf que lorsqu'il a signé son contrat, son premier contrat avec la DECA, ils ont oublié de mettre le E. Et donc, c'est devenu Buddy Holly. Et tout simplement, c'est devenu son nom de scène, son nom de carrière. Il a décidé de garder ça comme ça. Donc, Buddy Holly commence à faire de la musique avec ses frères. Il monte sur scène pour la première fois à l'âge de 5 ans. Donc, quand même, une arrivée quand même assez prématurée dans le monde de la musique. Et à 11 ans, il a décidé de prendre des cours de solfège, donc c'est-à-dire des cours de chant, de reconnaissance de musique, pendant un an. Et ensuite, il a continué ses cours seul au piano. En 1949, il forme un duo avec un ami rencontré au collège, Bob Montgomery. Ensuite, il compose des petites pièces instrumentales et ça donne à des soirées locales. En 1964, un bassiste s'ajoute à la formation. À la fin de l'année 1965, il est à la tête d'un quatuor R&B pop qui est vert. On retrouve entre autres au sein de ce groupe Buddy Holly et Bob Montgomery aux guitares, Don Guess à la basse et Jerry Allison à la batterie. Sauf que Jerry Allison va rapidement se faire montrer la porte du groupe pour une seule raison, c'est qu'Elvis Presley, qui était l'idole de Buddy Holly, n'enregistrait pas avec un batteur à l'époque. Sur ses premiers enregistrements de Sun Records, il y avait tout simplement une guitare, une basse et Elvis qui se déhanchait en chantant. ils ont décidé de mettre le batteur à part pour les premiers enregistrements du groupe puisqu'ils voulaient vraiment donc ressentir le vrai son d'Elvis. Lorsque Elvis Presley lui-même a décidé d'incorporer un batteur dans son groupe, eh bien, ils ont rappelé Jerry Allison au trot pour que celui-ci se représente. Mais ça me c'est poche. Tu vois, il le rappelle, on va le rappeler. L'histoire du rock est remplie de choses comme ça. On met un musicien dehors, finalement, 2 semaines après, 1 an plus tard, on le rappelle, il revient. Des fois, c'est 10 ans plus tard, c'est vraiment... Il faut pour être musicien, pour faire partie d'un groupe, parfois, il faut piler son orgueil pas mal. Oui, je pense que oui. Quand même. Et donc, le label Decca le remarque donc dans les années 50, 1955, lorsqu'il fait ses concerts avec son groupe. Et il lui offre d'enregistrer certaines chansons à Nashville avec Don Guess et Sonny Curtis à la guitare solo. Donc, pendant son second voyage à Nashville en 1956, il a eu recours au service de G. Allison, donc ce cher batteur qu'il avait mis à la porte pour enregistrer une version mythique de Rock Around with Olivier. Malheureusement, une pièce qu'on ne pourra pas entendre ce soir, aujourd'hui. Ce matin. Ouais, ce matin. En ce moment. c'est également le premier jet de premier morceau qui passera plus tard à l'histoire That'll Be the Day, qu'on va entendre en fin de chronique. Donc, son contrat avec la Decca s'est malheureusement pas renouvelé à la fin de 1956, mais ça lui a permis quand même de développer une première éthique de travail avec son tout premier groupe. D'ailleurs, on va aller entendre une pièce de cette époque qui se nomme Peggy Sue, une pièce signée Buddy Holly, bien sûr, et avec son tout premier groupe avant qu'il forme son groupe légendaire que nous allons connaître dans quelques instants. Without Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, girlies. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh, how my heart yearns for you. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, girlies. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, pretty, pretty, pretty, pretty Peggy Sue. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Buddy Holly avec donc Peggy Sue, une première incarnation en fait de son groupe Buddy Holly. En fait, groupe qui avait pas de nom, mais il allait former un groupe qui allait avoir un nom dans quelques instants en fait lorsqu'on va vous présenter ça à Phénomène sur les ondes de C'est fou 89 FM dans le cadre d'Assemblage requis. Toc, avec, toc, toc. François Mathieu. Oui, François Mathieu. Y a-t-il un gars qui s'appelle François Mathieu et un nom composé, tu sais, François Olivier, c'est quand même un nom long, hein, on s'entend là-dessus, je pense. Y a un gars qui s'appelle François Mathieu. François Mathieu, non. Ou Mathieu Olivier, tu sais. Ouais, Mathieu Olivier, mais c'est deux noms qui se peuvent, je pense. Ouais. Donc, on parle de Buddy Holly dans ta chronique Phénomène. Buddy Holly, donc, comme j'ai dit au tout début, donc, monte à l'âge de 5 ans sur scène. À 11 ans, commence son solfège. Ensuite, en 1949, c'est-à-dire vers l'âge de 13-14 ans, fonde son premier duo. On était rendu en 1956 lorsqu'il enregistre pour Decca à Nashville. Et malheureusement, comme je le disais, son contrat n'est pas renouvelé en à la fin de 1956. Mais ça l'empêche pas de connaître quand même ses premiers succès avec Peggy Sue, entre autres, et également à faire ses armes, bien sûr, à se préparer pour la grande scène. Et en 1957, il reforme un nouveau groupe composé de Jerry Allison à la batterie encore, Larry Wellborn à la basse, Nicky Sullivan à la guitare rythmique. Et le groupe se nomme Les Crickets et Buddy Holly était lui-même guitariste solo. Et c'était très rare de voir ça, un chanteur qui était guitariste solo à cette époque-là, puisqu'il fallait avoir quand même assez de dextérité dans les doigts. Dans la foulée des sessions, en fait, il commence à enregistrer pour certaines compagnies dans les studios. Il enregistre, entre autres, That'll Be the Day, qui est le plus grand succès de Buddy Holly et qui va s'hisser même à la troisième place des charts, des palmarès. Et d'autres hits également qu'il va enregistrer, donc Maybe Baby, Peggy Sue, entre autres, parce qu'il y a plusieurs versions de ça avec et sans les Crickets, et donc Buddy Holly avant, après, ben pas après, en tout cas on va en parler du après. Il enregistre également Oh Boy, Rave On, Early in the Morning. Donc, ce sont entre autres les pièces qu'il a enregistrées pendant ses sessions d'enregistrement qui a fait de lui vraiment une superstar. Il a fait de Buddy Holly et les Crickets un grand nom du rockabilly. Et également, les Crickets étaient un groupe bien en vue de l'époque qui vont influencer plusieurs artistes, bien sûr, à ce moment même, mais qui vont rester imprégnés dans le temps. Et donc, ils faisaient également des tournées, puisque à cette époque-là, il y avait des méga-tournées, honnêtement, puis c'était pas quelque chose qui était vu comme une méga-tournée. T'avais plusieurs artistes dans un même autobus qui faisaient le tour des États-Unis, qui faisaient des concerts tous les soirs, donc ils enchaînaient à peu près à toutes les 15 minutes sur scène. Et entre autres, ils ont joué avec Eddie Cochran, Chuck Berry, Paul Anka, Fat Domino's, The Everly Brothers, Richie Valens et Big Bopper. Et là, c'est là qu'on arrive, malheureusement, ce qu'on arriverait plutôt au grand moment tragique de la vie de Buddy Holly. Mais avant tout, je pense qu'on retournerait écouter une petite pièce qui se nomme Every Day de Buddy Holly. Et on va revenir tout de suite après pour la conclusion de la chronique. Every day, it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day, it's getting faster. Everyone said, go and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day. Seems a little longer every way. Love's a little stronger, come what may. Do you ever long for true love from me? Every day, it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey. Everyday Dead Buddy Holly, également donc tiré de cette chronique phénomène dans le cadre d'Assemblage requis. C'est une pièce qui est apparue le 29 septembre 1957, qui a été enregistrée le 29 mai de la même année. Une pièce vraiment très très populaire de Buddy Holly, qui se retrouve au numéro 236 des 500 meilleures pièces de tous les temps du magazine Rolling Stone. D'ailleurs, il y a une version enregistrée par Pearl Jam, qui lorsqu'ils étaient en concert à Lubbock au Texas, Lubbock qui est l'endroit de naissance de Buddy Holly, et donc ils ont décidé de lui rendre hommage en réenregistrant Everyday. dans ce petit patelin. Ah, j'aimerais bien entendre ça. Oui, ouais, j'imagine que ça devait être très bon, mais Pearl Jam avait également fait une pièce des années 50, je me rappelle plus du nom, mais la pièce s'appelait Last Years, qui était donc une pièce également rockabilly de l'époque. Il avait fait une très, très, très bonne version. C'était génial. Dans fin des années 90. On était rendu à la grande tragédie de la vie de Buddy Holly. Donc, c'est vraiment, ça a été qualifié par plusieurs comme la journée où la musique est morte, The Day That Music Died. Ah, ça vient de là, ça. Et oui, puisque le 2 février 1959, alors qu'ils étaient à Clear Lake dans l'Iowa, bien sûr dans la tournée, avec une affiche composée entre autres de Richie Valens et Big Bopper. Richie Valens, c'est celui qui chantait la bamba. Pour vous donner une idée. Ta chronique là-dessus, c'est la semaine prochaine, c'est ça? Ah, ben, en fait, je sais pas. Je vais peut-être essayer de glisser Richie Valens éventuellement. C'est parce que lui non plus n'a pas connu une très, très grande carrière comme Buddy Holly, puisque malheureusement, il est arrivé ce que je vais vous parler. En fait, les trois artistes, Elian and the Melmonds, étaient en tête d'affiche du Winter Dance Party. C'est une série de concerts qui se promenait partout dans le milieu des États-Unis. C'était une grosse tournée quand même assez éprouvante. Ils faisaient des concerts à tous les jours, à tous les soirs en fait. Et ça faisait au moins une semaine qu'ils ne s'étaient pas arrêtés une journée. Question de prendre du temps un peu pour eux. Buddy Holly et les Crickets ont eu à leur disposition par la voix d'un ami un avion qui aurait pu les transporter à la prochaine destination. Buddy Holly également avait un seul problème, c'est qu'il tenait à rester propre. Et ça faisait une semaine qu'il n'y avait pas fait de lavage. Et s'il partait avec l'autobus, il serait arrivé à peu près à l'heure du concert de la journée d'après. Et donc, il a dit, si je prends l'avion, je vais arriver une journée avant et je vais pouvoir faire une petite brassée, me reposer également, parce qu'il commençait à être très fatigué. Apprenant ça, Richie Valens et Big Bopper demandent à Buddy Holly, en fait, s'ils peuvent prendre place également dans cet avion-là, qui pouvait seulement porter que 4 personnes, et donc, c'est-à-dire Buddy Holly et 2 membres des Crickets. Et j'imagine que Big Bopper va être gros, je sais pas, non? Ben, peut-être. Relativement, ouais. Il s'appelle pas Big Bopper. Il était assez charnu. Il était bopant. Il était bopant, ouais, c'est bien ça. Les membres du groupe ont décidé de laisser leur place à Richie Valens et Big Bopper. En blague, et c'est une très bonne blague d'ailleurs, le bassiste des Crickets a dit à Buddy Holly, en fait Buddy Holly a dit à son bassiste, j'espère que t'auras pas trop froid dans l'autobus, parce qu'il faut dire que c'était le 2 février, donc il faisait froid dans le milieu des États-Unis. Et le bassiste des Crickets répond, j'espère que ton avion va pas s'écraser. Ah, oh. Et qu'est-ce qui est arrivé dans la nuit du 2 au 3 février 1959? Eh bien, l'avion s'est écrasé quelques minutes après le départ de l'autobus. Et donc, malheureusement, Buddy Holly, Richie Valens et le Big Bopper sont décédés le 3 février 1959. Les trois en pleine gloire. Buddy Holly, donc, qui était la plus grosse tête d'affiche de ces trois décès, malheureusement. Mais Richie Valens, qui était promis également une carrière incroyable. Et Big Bopper, qui montait de plus en plus dans les palmarès, qui était un ancien DJ radiophonique qui avait décidé de se lancer dans la chanson. Malheureusement, les trois sont décédés. On pourra jamais savoir, en fait, la part réelle de Buddy Holly à la musique, malheureusement, parce qu'il est décédé beaucoup trop jeune. Il avait 22 ans. Imaginez, on est tous plus vieux que ça autour de la table. C'est vraiment pas vieux. Là. Non, vraiment pas. Et puis, c'est ce qui est très, très malheureux, en fait. Et d'ailleurs, avant de mourir, avant en fait de partir dans sa dernière tournée-là, il avait enregistré quelques enregistrements tout seul sur secteur acoustique avec petit enregistreur maison. Certaines de ces pièces sont des véritables bijoux musicaux, et ça aurait été vraiment un pas en avant pour la musique s'il aurait eu le temps de l'enregistrer avec son groupe. C'est ce qui est très malheureux. Buddy Holly, qui est reconnu entre autres pour ses grosses lunettes noires carrées, oui. Les Ray-Ban qui sont revenus à la mode et qui sont à la mode plus que jamais. Moi, pareil, que ça me va pas bien. Fait que j'en ai pas acheté cet été. J'ai changé des lunettes pour des lunettes semblables à ce que j'avais avant. Voilà Buddy Holly qui a réalisé un apport incroyable à la musique, vraiment. Donc, scène rockabilly. D'ailleurs, lorsqu'on entend les pièces, venez pas me dire que vous rêvez pas d'une Cadillac rouge dans un vieux un diner américain avec un bon milkshake rose avec de la crème fouettée. Uh-huh. Franchement, là, ça fait vraiment penser à tout ça. C'est le rockabilly, l'americana américaine, pur et simple. Et comme je le disais, Buddy Holly qui a connu qui a sévi en influence sur à peu près tous les groupes de rock venant à la fois des États-Unis, mais également de l'Angleterre. Comme je le disais, Paul McCartney est un très, très grand fan de Buddy Holly. Et c'est malheureux que Alain Lefebvre soit pas dans les parages, puisque je sais que Paul McCartney, dans un de ses vidéoclips, avait moqué un peu Buddy Holly en portant des lunettes, en ayant la même coupe de cheveux et le petit saut de Colonel Sanders, c'est-à-dire avec le petit polo là. Et c'était un très très bel hommage. Malheureusement, je me rappelle pas dans quel cadre, quelle pochette il a fait ça. Je pense que c'était l'album Red Rose Speedway, mais je suis pas sûr. Mais Weezer ont fait une vidéo. Ouais. Weezer également, oui, ont fait une pièce qui se nomme Buddy Holly. Et en fait, c'est un peu un hommage à cette époque-là, des années 50 du rockabilly. D'ailleurs, le vidéoclip se passe comme dans une scène de Happy Days, qui était une série très, très populaire dans les années 70 aux États-Unis, qui également faisait un peu état de cette nostalgie des années 50, avec entre autres Fonzie de Fonz qui dansait dans leur vidéoclip avec de très belles manipulations par ordinateur. C'est très également. Bien fait. Ouais. Très, très, très bonne pièce des Weezer. Et si on aurait eu plus de temps, malheureusement, on aurait pu l'écouter, mais ça sera pour une prochaine fois. Ouais. La semaine prochaine, on la met. Pourquoi pas? Buddy Holly. On pourra faire ça, éventuellement. Bref, pour terminer cette chronique-là, je vous ai emmené une dernière pièce qui est le plus grand succès de Buddy Holly, repris par des dizaines et des dizaines de musiciens. Entre autres, les Beatles avaient fait une version lorsqu'ils commençaient sur la scène allemande à Hambourg. C'est « That'll be the day ». Plus grand succès de Buddy Holly. Et puis on revient pour te dire au revoir dans Phénomène. Assemblage requis. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and your dirt and loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Heart. So if we ever part, then I'll leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. That'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Buddy Holly avec That'll Be The Day, très très grand succès, comme on disait avec François Landry qui est arrivé en studio. C'est ironique quand même que son plus grand succès parle de la journée où Buddy Holly malheureusement décéderait. Et donc, comme on disait, il est décédé le 3 février 1959. Voilà pour la chronique Phénomène sur Buddy Holly avec Simon Fitzbay. On te retrouve à ton émission La Saveur du Moment. Oui, ce soir. Oui, jeudi. À 21h. 21h, on va avoir de la très bonne musique aujourd'hui, entre autres. On va avoir du Pink Floyd, également, quoi d'autre? Radiohead va également être de la partie, mais je vous garde le tout. Ce sera des surprises, de surprise en surprise ce soir. Mm-hmm. Et on te retrouve aussi dans ta chronique à l'émission Le Dîner de Con. Ça commence bientôt. C'était supposé commencer aujourd'hui. On va voir là, s'il y a moyen de faire ça. Ça serait les jeudis normalement. C'est ça, ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Prépare ça, ça va être gros. Et puis à Rock Classique. Rock Classique les vendredis de 11h à midi, dans le fond, dans la première heure de Rock Classique. D'accord. Et puis la semaine prochaine, évidemment, Assemblage Requis. Toujours. Ah oui. Et jeudi à 8h. Vous êtes toujours Assemblage Requis. Merci, Simon, beaucoup. Oui, merci. Oui. Assemblage Requis, qui est l'émission matinale en pièces détachées.

Mais quelle belle voix, ce Mathieu Plante. Merci, c'était live, tout ça. C'est... Tu fais bien, ça. Vous êtes à Assemblage Rocky, oui, François-Olivier Marchand, Mathieu Plante, Simon Fitzbé toujours avec nous. Maintenant, on accueille l'honorable, je le dirai jamais assez, il est S'il vous plaît. Ah. S'il vous plaît. Levez-vous tous et accueillez-le avec, avec amicalité, amicosité, de l'amicosité, avec du mucus. François Landry. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Hier, j'étais président d'assemblée pour une réunion, en fait, une assemblée générale de BAC. Puis, lorsqu'il y avait des problèmes de quorum, pas de quorum, mais de décorum, je tapais sur le bureau avec mon crayon. T'as fait plaît, ton niveau hier. Ouais, ouais. Oh. Ça fonctionnait, par exemple. Ouais. S'il vous plaît. C'est sûr, il l'a, l'affaire, lui. Juste, ben ouais. Il recommence cette semaine. Je m'étais tellement ennuyé pendant 3 mois de temps sans entendre Yvon Vallière taper avec son stylo. Et cette semaine, la première fois qu'il s'est levé, c'était s'il vous plaît, calmez-vous. Sa réputation, il sait, là. Il sait, là. Ça, écoute, c'est sa marque de commerce. Yvon Vallière, s'il vous plaît. C'était écœuré. Oh, bon. Donc, François Landry, qu'on accueille pour sa chronique Logocratie 101. Bon retour à toi. Merci beaucoup, Mathieu. On va parler rousse. Rousse. Rousse. Oui, le rousse. Parce que tout comme moi, vous écoutez jour après jour, Bastarache. Écoute, moi, je préfère ça à Mauvais Karma ou à Histoire de filles. C'est bien meilleur. Il y a bien plus d'intrigue. Le sexe en moins, mais tout sexe. Est là. Écoute, il y a de l'action, il y a du vocabulaire vulgaire. Hey. Il y a tout. Donc, c'est plaisant à écouter. Et vous avez sûrement entendu des mots qui vous titillaient l'oreille. Et ce sont des mots d'origine russe. OK. Oui, je vais vous expliquer. C'est des mots français, mais d'origine russe. Puis je me suis dit, coudon, on est-tu si en manque de vocabulaire dans la langue française? Ou est-ce qu'on n'utiliserait pas plutôt une forme de logocratie? Parce que les gens connaissent pas nécessairement le mot. Donc, ça les impressionne. Non, ils veulent nettoyer le mot. Ah, OK. Oui. Je vais commencer par le mot « langue de bois ». Tu sais, le vrai mot pour « logocratie ». OK? « Langue de bois », on sait, c'est quelqu'un qui dit n'importe quoi pour remplir un discours. Mais « langue de bois », ça vient d'où, ça? C'est un mot russe. Parce que sous le régime des tsars, avant la révolution bolchevique de 1917, on sait qu'en Russie, c'est le pays du chêne. Tu sais, au Québec, c'est le pays de la neige, du fred, de la gadoue. Mais en Russie, c'est le pays du chêne. Les forêts en Sibérie, c'est rempli de forêts de chêne. Donc, les habitants ne faisaient qu'un avec la forêt, la nature et tout ça. Donc, on dit les tsars, l'aristocratie russe, utilisent une langue de chêne pour dire, pour se faufiler, pour se cacher de la réalité. Donc, avec le temps, ça s'est transformé en langue de bois, tout simplement. Et ensuite, on a utilisé le mot « langue de bois », non plus « langue de chêne » pour faire référence au tsar. On a utilisé « langue de bois » pour planter le régime communiste soviétique. OK. Donc, ça vient de là. C'est le mot russe exact. Je l'ai pas, puis je suis pas capable de parler russe, là. Mais ça vient de l'URSS et de la Russie tsariste. Autre mot qu'on utilise dans la commission Bastarache à chaque 30 secondes, à peu près, on entend ce mot-là, c'est le mot « caviardé ». Caviardé? Vous avez entendu ça, certainement. Ça a l'air fancy. Oui, le petit doigt dans les airs. C'est, on regarde les notes, les agendas de ceux qui passent quasiment au poteau, là. Ceux qui sont mis en question. Des rainures noires. Moi, j'appelle ça être censuré. Donc, quand on barbouille un texte pour pas que l'autre puisse le voir, c'est censuré en bon français. Comme Claude Dubois. Oui, exactement, que censurer, il s'est auto-censuré. Ça, c'est magique. Mais il aurait pu dire, vu qu'il est un pétou de brou, qu'il s'est auto-caviardé. Auto-caviardé. Oui, tout le monde utilise ça dans les textes. Maintenant, c'est le terme, plutôt que dire censurer, on dit il caviarde. Mais d'où ça vient, ce caviardé? C'est pas un mot, ça n'existe pas. Ça vient encore là de la Russie. Sous le régime tsariste, donc la monarchie russe, l'État souvent censurait ses propres textes pour pas que le peuple soit mis en éveil. Parce qu'en Russie, c'était vraiment un foyer révolutionnaire. Donc, ils ont dit, on va censurer des parties de textes pour que le peuple se taise. Donc, il y avait des grandes rainures noires dans les textes. Et en Russie, c'est le pays du chêne, comme je le disais, mais c'est aussi le pays du caviar. Et on utilisait le caviar pour censurer les textes. Donc là... Vraiment, il tartinait du caviar sur les feuilles? Oui, au lieu de l'encre, parce que l'encre coûtait cher. Donc le caviar, c'était à profusion, il ouvrait le frigidaire et il l'avait dedans. Donc ils utilisaient du caviar avec leurs doigts pour censurer les textes. Donc c'était il caviarde un texte. Donc ça s'est transformé avec le temps en verbe caviarder, qui est maintenant en instance de reconnaissance par l'Office de la langue québécoise. Donc, Bastarache, au moins, a remis un nouveau mot au lieu d'une vérité. Au lieu d'une vérité, c'est dans c'est nos bon années. Donc, ça, le russe dans la politique québécoise se résume à ça pour l'instant. Je pourrais parler aussi des mots apparatchitch ou les politburo et tout ça, mais ça viendra avec le temps pour des termes plus techniques. Mais on voit que on utilise souvent des grands mots creux pour signaler, souligner une vérité. Au Québec, je pense qu'on pourrait l'adapter à la place de prendre caviardé. Des Russes, on pourrait juste, tu sais, disons, paripater quelque chose, tu sais. C'est bon, ça. Je vais paripater. Ça serait peut-être même meilleur. Ou même, je vais camer quelque chose, tu sais. Cramer. Cam, du cam. Ah, du cam, oui, c'est vrai, du cam. Cam, puis du paripater dans tes sandwichs. C'est bon, ça. Mathieu est fort sur le cam. Ça fait une couple de fois qu'il en parle. Ouais, ça, c'est un running gag. C'est une blague à la course. C'est à ta fête, je vais t'en acheter une canne. Ça s'en vient bientôt, là, de toute manière. Donc, autre sujet, c'était mardi, le début de la session parlementaire à Québec. On a débuté la session comme on l'a laissé 3 mois plus tôt. Il n'y a comme pas eu d'intermède entre les deux. C'était juste une pause d'une seconde. La première question qui a été posée, c'est sur l'intégrité du gouvernement. Donc, Pauline Marois a fermé la session en juin dernier avec l'intégrité du gouvernement. Et l'a ouverte cette session-ci encore. La première question, c'était, est-ce que vous admettez avoir des liens avec X, Y, Z? Jean Charest de se lever de son sérieux protocolaire. A dit, au Québec, on a une économie forte, on est sorti de la récession, un des seuls pays, une des seules nations au monde à cette. Là, Pauline, je veux une réponse à ma question. Non, c'est ça, ça n'a aucun rapport. Là. Donc, Jean Charest s'est relevé pour dire. La même chose. Il n'y a pas de question, je n'ai pas de réponse. Puisque votre question n'est pas une question, ce sont des allégations. Donc, là, c'est parti, là, la foire a pogné. Exactement. Donc, les deux premières interventions de chef de l'opposition et de Jean Charest, c'est la foire a pogné et il s'était promis durant tout l'été, non, on va revenir à un rôle beaucoup plus noble du rôle de député, de ministre, de premier ministre. Mais bon, c'était du pareil au même. Mais la guerre, je pense qu'elle va être là. En fait, pour l'opposition, ça va être d'attaquer vraiment l'intégrité du gouvernement. C'est là qu'ils peuvent marquer des points. Non? Marquer des points, c'est pas le bon terme. Ça serait plutôt de faire perdre des points à Jean Charest. Parce que je vais te donner des chiffres dans quelques secondes, puis tu vas être d'accord avec moi que l'opposition ne marque pas de points. Elle fait seulement faire perdre des points. Au gouvernement. Donc, aussi, on se demandait si le départ de Jacques Dupuis, qui était le leader, donc le bouncer du gouvernement, était pour calmer le jeu en la personne de Jean-Marc Fournier qui le remplace. Quelqu'un qui est beaucoup plus cérébral et beaucoup plus... Posé. Oui, exactement le bon terme. Pantoute. C'est pire. Non, peut-être pas pire que Jacques Dupuis, mais disons que c'est son successeur... Le bon type au bon moment, là. Donc, se lève et puis lui, c'est la démagogie encore pire que Jacques Dupuis. Donc là, encore là, la foire a pogné. C'était... Moi, j'aime ça écouter ça. voir des politiciens se ridiculiser devant le peuple, j'adore ça. OK? Parce qu'ils montrent leur incompétence ou, justement, leur... ils vivent dans une tour d'ivoire. Ils sont pas au courant des vrais problèmes. Et là où je veux en venir, c'est que hier, c'était la deuxième journée, et la session a dû être interrompue. Parce que les gens de la population peuvent assister au débat. Donc, sur les galeries, là, en haut. Et pendant 5 minutes, ils ont dû interrompre parce que les citoyens ont chahuté les députés avec des gazous. Donc, ça se transporte très bien. Oui, des gazous. C'était très beau à voir et à entendre. Vallière, qui ne savait pas quoi faire, il a consulté ses pairs. Je dis Qu'est-ce que je fais? Il a suspendu. C'est son droit de suspendre. Donc, il a suspendu la. Et par la suite, on a su que c'était des opposants justement au gouvernement pour dire là, un moment donné, ça va faire le gouverner en bon gouvernement et non plus en tarte, là, carrément. Au moins, ils n'ont pas amené des tartes justement ou des souliers. Ça aurait peut-être été un fight food, là. Ouais. Ça aurait été beau à l'Assemblée nationale. Des tomates. Oui. Mais juste des petits papiers, t'as vrai, puis tu te fais exclure. Ouais, ça, c'est l'an dernier pour le nucléaire. Ouais. Cette année avec des gazous. Donc, là, genre, t'as l'année prochaine avec des vuvuzelas. Je sais pas si ça serait malade, ça. Ça serait bon. Mais pour revenir aux chiffres, François, tu parlais que le gouvernement pourrait perdre des points et l'opposition en gagner. Il y a eu un sondage qui est sorti lundi, juste avant la rentrée parlementaire, et on voit que. Il n'y a rien de joué pour l'opposition. On est dans une période très creuse en politique québécoise ces temps-ci. Mais c'est ça, on en parlait aussi la semaine passée. On a effleuré ce sujet. Là, et, je ne sais pas si on va avoir le temps de l'effleurer encore aujourd'hui. Là, mais l'opposition, a-t-il un vrai chef? Un vrai chef, non, mais quelqu'un qui se démarque, oui. Et là, je vais te dire, quelqu'un qui se démarque, OK. Il y a quelqu'un qui se démarque, mais pas son parti nécessairement. Et... peut-être pas ses idées. OK. Je vais vous résumer les chiffres, puis ensuite, on parlera d'Amir Kadir. Oh, j'en ai parlé. Donc oui, le sondage Léger Marketing, Le Devoir, qui publiait cette semaine un nouveau sondage. Le Parti québécois récolte 33% des intentions de vote, donc le tiers des personnes qui votent voteraient pour le Parti québécois. Le Parti libéral, 26%. Donc on voit que s'il y avait eu des élections, le PQ aurait été majoritaire en chambre. Donc, un renversement de gouvernement. Québec solidaire, troisième parti, arrive avec 9% des votes, ce qui est un fort très noble pour lui. Mais ce qui me surprend aussi, c'est que le parti Québec solidaire arrive avant l'ADQ. Oui, l'ADQ, 8%. Ouais. Donc ça, c'était quelque chose d'inusité, mais à cause de son chef. Parce que Mario Dumont était tellement charismatique, il avait le taux, c'est une bête politique, Dumont, mais en quittant, il a fait tomber l'ADQ, et puis là, Gérard Deltel, qui est... C'est un tutu. Un populiste qui n'a pas encore trouvé le tour de s'adresser à sa population, comme Mario Dumont le faisait. Sa façon de parler est d'Alcatel. Merci. Dans les meilleurs moments cette semaine. Ensuite, le Parti vert, 5%. Et le Parti vert a perdu son chef la semaine dernière, donc Guy Rainville, qui a démissionné pour laisser place à une relève. C'était vraiment vide son discours. C'était l'étape pour moi de quitter après mon effort. Ça faisait un an, deux ans qu'il était là. Personne ne le connaissait. Non, c'est ça, le nom, mais moi, me dit rien. Exactement. Et pour la population non plus, parce qu'il récoltait seulement... Je ne l'ai même pas noté. Il n'était même pas là dans son âge, juste pour te dire. Et ceux qui ne savent pas ou qui s'abstiendraient de voter, 13%. C'est quand même plus que Québec solidaire, ADQ et Parti vert. Donc, 13%, le parti abstentionniste aurait gagné, aurait formé la deuxième groupe d'opposition. Dans les taux de satisfaction du gouvernement, 23% de la population est favorable au gouvernement. 23? Oui, 23. Contre 73%. Ah, c'est... Et dans les sondages, quoi qu'on en dise, j'ai étudié dans mon jeune temps les statistiques. Et oui, il faut se fier aux sondages. La méthode de calcul est presque parfaite. Donc, 73%, c'est 2 personnes sur 3. Là. Les sondages, c'est sûr que quand ça plaît pas aux politiciens, ils disent « Ah, c'est sûr, c'est des clair, sondages. » C'est clair, mais remarque, quand est-ce qu'ils déclenchent les élections? C'est quand ils sont populaires. C'est ça, exactement. Donc, juste pour finir le dossier insatisfaction du gouvernement, on parlait des chefs qui ne sont pas si populaires que ça. Pauline Marois recueille seulement 22% de la faveur de l'ensemble des Québécois qui ont participé au sondage. 26% en janvier dernier. Donc, on voit que... Ça baisse pour Pauline. Ça va pas bien, Pauline. Ça devrait être le contraire, surtout situations. Donc, l'opposition ne gagne pas. Jean Charest, 19% là, 27% en janvier. Amir Kadir, 11% présentement, 6% en janvier. Donc, c'est lui qui monte en flèche. C'est ça, il a pratiquement doublé. Exactement. En ayant une question à chaque séance, à chaque 7 séances, ça aide aussi parce que le monde ne se tanne pas. Puis à chaque fois qu'il intervient, c'est la bonne question qu'il pose parce qu'il a le temps de préparer sa question. Et Gérard Deltel, 7% contre 3% en janvier dernier. Donc, lui aussi, ça monte. Aussi. Mais c'est parce que Pauline Marois baisse puis Jean Charest baisse. Donc, ça prend un recalibrage. C'est ça, parce que lui, on le voit pas tellement plus. On le voit, on l'entend, mais on s'en souvient pas. Parce que souvent, il fait juste répéter, mais avec des mots plus durs, le discours du Parti québécois. Sans être méchant, ça se résume à ça. Donc, ça va pas bien pour aucun parti politique présentement au Québec, si ce n'est que Québec solidaire, qui peuvent aller chercher des pourcentages de vote. Mais en vote papier, est-ce que ça va se concrétiser? Ça, l'avenir, dans 2 ans, 2 ans et demi, va nous le dire. Mais pour l'instant, c'est le seul parti qui se démarque. malgré qu'il n'ait seulement qu'un seul député à l'Assemblée nationale. Donc, tant mieux pour eux. C'est un tiers parti qui fait partie maintenant du paysage québécois. Donc, il va falloir faire avec. Et les autres, Pauline Marois, c'est elle la plus grande perdante. Et en avril prochain, n'oublions pas, c'est le congrès du Parti québécois et sa tête pourrait être mise à prix si elle ne peut pas remonter dans les sondages. Un dernier point, juste avant de se quitter. Très, très rapidement. Très, très rapidement. Déclencher des élections, là, ça serait complètement fou. Il peut, il a le droit. Mais il sait se tirer dans le pied, autant démissionner à la place. Merci beaucoup, François Landry. Ça fait plaisir. Merci. À la semaine prochaine, jeudi 8h30, pour une autre chronique Logocratie 101. On écoute un petit peu de Winter Gloves avec Plastic Slides et au retour, la conclusion de l'émission. À tantôt à Assemblage. Gloves. La pièce Plastic Slides. Très bonne pièce, très bon groupe. Oui. Ça vient du coin. Ouais, et l'album s'appelle All Red. Il est court, on le dit souvent qu'il est très très court, mais il est très intense et très très bon. Oui. C'est la fin de l'assemblage hockey pour aujourd'hui et pour cette semaine. Donc, on remercie tous les gens qui ont participé à l'émission cette semaine. On va essayer de pas en oublier. Stéphanie Gagné, Audrey Tremblay, il y a eu Maxime Lemieux-Aramé, Émilie Gauthier, Simon Fetzbé, François Landry. Oui, le gars de la Luitre, Maxime. Maxime Tanguay. Tout à fait. Y en a-tu d'autres? Pas mal. Ben, on a débuté la semaine avec Roxane. C'est vrai, Roxane Gagnon et Marie-Michel Dupuis. Oui. Stéphanie Boilard. Stéphanie Boilard. Bref, ça en fait beaucoup des gens. T'en as-tu un nom? Ben, moi, François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Moi, je vais rajouter toute l'équipe de C'est fou. Valès Pariétard pour la chanson thème et les musiques instrumentales de l'émission. On se retrouve lundi à partir de 7h avec la chronique sortie spectacle de Stéphanie Gagné. Stéphanie Gagné. Oh, ouais, je viens de penser, on va avoir une nouvelle série de chroniques de la part d'Alexandre Delage. Oui, exact. Oh, ça va être très, très bon, ça. Ça commence lundi. Juste là. Soyez là. On vous réveille... On se réveille en même temps que vous. Tout à fait, tous les jours entre 7h et 9h. Restez sur nos ondes parce que tout à l'heure, il va y avoir le dîner de con à 11h avec Danny Janvier. Danny, très bonne émission. Tout à fait. Moi, je vais être de retour ici avec Stéphanie Gagné au Palmarès C'est fou de 14h à 17h. Donc, ça va être super bon ça aussi. On se quitte sur les nouvelles de Radio-Canada et puis, ben, passe une excellente fin de semaine. Oubliez pas d'écouter les meilleurs moments de C'est fou. Moi, je m'en vais me coucher. Ça va te coucher? Oui. Tu vas digérer tes hot dogs à 44$. Ah, parle-moi-en pas, là, ça passe mal. Va t'en reparler à tous les jours jusqu'à la fin de tes temps. Yes. Hey, c'est carrément frustrant. Ça outrage au tribunal. Capoté. Ouais. Je suis mieux de pas y penser, ça s'en. Donc, je disais les meilleurs moments de C'est fou. Si vous avez raté une chronique, ça se passe les vendredis matins entre 6h et 9h et les samedis de 13h à 16h. Là, c'est vrai. Bonne fin de semaine, François-Olivier. Merci. Vous aussi, Mathieu Blanc. Et vous aussi, les Merci, requins. Merci, Simon Fitzbeck. Bye, Simon.